et j'enchaîne à nouveau ce que dis. Pour les jaloux et les autres, je le dis. Aussi pour faire kiffer tout mon public. Les mecs qui ont cru en moi et la famille. Comme dit le proverbe, doucement mais sûrement. Pas à pas, je vais casser les murs. Accroche-toi à mon pote ou sinon. Quand tu vas te réveiller, sera dur. Avec le temps, je vais tout rattraper. Mon terrain m'appelle pour le tâter. Après la légion, le dessin que j'ai la clé. Si on a un cas je vais lâcher. Eh ben, c'est lui qui s'est trompé. Là, c'est qui vient tout tenter. Dis-moi, c'est qui va tout péter. Dis-moi, c'est qui va faire baver. Les histoires de merde, je m'en fous. Grâce à la musique, je m'enfuis. Demande à mon avocat et les filles. À moi tout seul, je suis tout un crew. Tu veux pas m'inviter, c'est dommage. Entre nous, tu sais que je peux tout ken. Je me demande qui c'est qu'à la rage. Comment on se frappe comme les shuriken. J'ai la foi et puis tout va bien. Mais la magie a voulu me stopper. Maintenant, dites-moi qui est présent. C'est le bonhomme ou l'ensorcelé. Je lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, je vais mettre des. Je lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, je vais mettre des. Je lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, je vais mettre des. Je lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, je vais mettre des. Y'en a beaucoup qui n'ont pas suivi. De la gauche, tous mes gars et mes petits. D'autres qui se prenaient pour des caries. On oublions qui s'y séparent. Moi, j'ai pas le droit de lâcher l'affaire. Donc, je suis pas sur MTV. T'inquiète pas, j'ai le sens des affaires. Et ça, depuis que je suis tout petit. Balance le son, le beat, je le kick. J'ai 23 centimes producteur. Mais dis-toi que j'ai pas sorti tous mes disques. Me laisse pas de voix sans peur. J'ai laissé les gens que j'aimais. Pour un jour réussir dans ma vie. Donc, maintenant, je dois assumer. Comme j'ai bien fait toute ma vie. Si un jour quelqu'un te parle de moi, c'est ta jalousie. Mec, demandeur, est-ce que vous avez réussi, vous avez fait quoi, vous avez fait qui, vous avez renié, puis vous avez interdit tout ce qui était bon signe, comme si le bon Dieu vous avait dit oh oh, c'est pas le bon Dieu. Chacun sa vie, son putain de destin. Y'en a qui finissent trop mal, maladie, prison, clochard. Mais le pire, ça reste une balle. J'lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, j'vais mettre des. J'lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, j'vais mettre des. J'lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, j'vais mettre des. J'lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, j'vais mettre des. Surtout laisser de côté les handis. Dans mon parcours, j'me suis trompé. C'est vrai que j'ai grave cru au repenti. Mais ça, j'vais pas le rattraper. À toutes les princesses de Paname, les lascars des ghettos du béton. N'oubliez pas, vous existez. Et dans le cœur, vous devez vous détendre. Y'a le diable qui nous sourit. Petit qui nous rend fous, c'est lui qui a fait le pari. Qu'un jour il nous aura tous. Moi j'assure la bonne parole, beaucoup de gens m'en veulent pour ça. Mais le pire ils sont pas loin, ils sont juste en bas de chez moi. C'est la triste vérité que je dégage au microphone. Et même si je suis tout seul, jamais je laisserai ma couronne. On veut me voir par terre, bras en l'air. Petit branleur à moi tout seul, je suis impossible. On veut me voir par terre, bras en l'air. Petit branleur à moi tout seul, je suis impossible. On veut me voir par terre. Petit branleur à moi tout seul, je suis impossible. On veut me voir par terre, bras en l'air. Petit branleur à moi tout seul, je suis impossible. J'lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, j'vais mettre des. J'lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, j'vais mettre des. J'lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, j'vais mettre des. J'lâche pas l'affaire comme un ouf, ouf. J'entends les ouf, ouf. Mec, faut que je taf, taf. Là, j'vais mettre des. Bah, bah, bah, bah, bah, bah, bah.